Les États-Unis et les fantoches sud-coréens ont rendu public leur plan d'opération d'attaque préventive contre notre République, stratégie de dissuasion coordonnée à 3 étapes. Le 19 dernier, ils ont défini cette stratégie qui était au niveau de conception comme plan d'opération réel contre nos installations nucléaires et convenu officiellement de l'appliquer. Ils déclarent que leur réunion consultative annuelle sur la sécurité prévue en octobre concrétisera ce plan pour l'appliquer au contexte réel. Ce qui est plus dangereux, c'est que ce scénario nucléaire est déjà à l'étape d'application. Sous prétexte de notre essai d'explosion de l'ogive nucléaire, deux bombardiers stratégiques nucléaires B-1B des États-Unis ont été introduits en urgence dans l'espace aérien de Corée du Sud le 21 septembre pour les exercices d'attaque contre des cibles sur le sol, et l'un d'eux est à présent dans la base aérienne d'Osan, juste devant notre côté. Illinois, sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire du rang de Virginie, sera affecté en octobre à la flotte américaine du Pacifique, et le groupe d'attaque axé sur le porte-avions nucléaire Ronald Reagan se déplacera du Japon au parage sud-coréen. La réalité montre une nouvelle fois de plus que nous avons bien fait de renforcer sur tous les plans la dissuasion nucléaire par la promotion simultanée de l'édification de l'économie et des armements nucléaires et d'occuper le premier rang des puissances nucléaires.